نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، frères et sœurs en Allah عز وجل، c'est notre 39e cours dans l'étude de ce livre de Cheikh Najmi حفظ رحمه الله تعالى، et dont le titre est dans la traduction du titre est « La source délicieuse et abondante dans la critique de certaines croyances, de certaines voies dans la da'wa ». Et nous sommes dans le chapitre concernant Jama'at Tabligh, et Cheikh Najmi Hafidhahullah Ta'ala, vu que Jama'at Tabligh est un groupe soufi, ben il a commencé par nous détailler un petit peu, nous donner une idée, hein, et des données sur le soufisme. « Fawakafna inda qawli al-Sheikh » رحمه الله تعالى، أما الطاغوت الأكبر فقد افترى للصوفية ربا عجيبا يجمع بين النقيضين المتوترين في ذاته وبين الحقيقتين في صفاته. Donc, il nous sommes arrêtés à ce chapitre quant au tarot, au grand tarot. Il a fabriqué au Sophie un souverain extraordinaire qui est réuni entre les contradictions, que ce soit dans son essence ou là, ce soit dans la réalité de ses attributs. فهو الوجود الحق وهو العدم الصرف وهو الخلاق وهو المخلوق وهو عين كل كائن وصفاته عين صفات كل موجود وكل معدوم. Donc, et ces paroles sont ceux d'Ibn Arabi. Ibn Arabi, c'est cet extrémiste, c'est celui qui est allé aux extrêmes et qui est dont les hommes de science ont rendu mécréants, dont le nom se crie à l'indéfini, c'est-à-dire sans l'article défini, Ibn Arabi. Et ce sont ces paroles dans lesquelles il y a la clarté. Il est clair qu'il déclare l'unicité de l'existence. Et il dit ici, comme l'a cité Cheikh Najmi Hafidhahullah Ta'ala du livre d'Abd al-Rahman al-Wakil, ça c'est la soufia et ça c'est le soufisme. Il dit, ce khabit, l'existence vraie, elle est l'existence vraie et la non-existence vraie. Donc il est l'existence et son contraire. Ça, c'est comme ça qu'il dit créer Allah Azza wa Jal. Il est le créateur et la créature. Et il est toute chose. Et ces attributs sont les attributs de toutes choses qui existent et toutes choses qui n'existent pas. C'est comme ça qu'il décrit Allah Azza wa Jal. A'oudhu billah. Wa yaqul huwa al-haqq al-karim wal-batil al-la'im huwa al-fikrat al-abqariyah wal-khurafa wal-khurafah al-hamqa. Il dit, c'est la vérité noble, c'est-à-dire en parlant d'Allah, c'est la vérité noble et c'est le mauvais faux. Et c'est la pensée géante. Et c'est la pensée génie. Et c'est l'histoire folle. C'est comme ça qu'il décrit Allah Azza wa Jal. C'est le Dieu d'Yel. Ceux qui croient en l'unicité de l'existence, c'est ce que vous entendrez, Khouat al-Islam. Car Ibn Arabi, c'est leur grand idole. Et leur grand penseur. Huwa al-khatiratu al-mulhama. Wa al-wahmu al-dhahil. Wa al-khayalu al-hayran. والمستحيل الذي لا يتصور فيها العقل ابدا. C'est la pensée insufflée et c'est l'illusion qui fait perdre, et c'est l'imagination hésitante, et c'est l'impossible que ne peut imaginer la raison. Ainsi il décrit Allah Azza wa Jal. Maintenant, retenez votre souffle, barakallahu fikum, parce que ce que vous allez entendre est pire. Il a un qal, huwa al-mu'min wa huwa al-kafir. هو الموحد الخالص التوحيد وهو المشرك الأصم الوثنية هو الجماد الغليظ والحيوان ذو المشاعر المرهفة والحساسية المتوقدة. Regardez, c'est un pureté. Il dit, c'est Allah le croyant et le mécréant à la fois. Et il est le monothéiste qui est sincère dans son monothéisme. Et il est l'associateur. Hein? Renfermé dans son associationnisme, comme l'inanimé. Et il est l'inanimé, le gros inanimé, et l'animal qui a des sentiments illuminés. Ainsi il décrit Allah Azza wa Jalla, A'udhu Billah. Huwa al-malaku as-sajidu tahta al-arsh, wa huwa ash-shaytanu alladhi yasrukhu fi saqar. هو القديس الناسك يذوب دمعه في دموع التسابيح وهو العربيض يضج الماخور من بغى خطاياه ولا أريد أن أطيل عليك انظر هذه هي الصوفية لعبد الرحمن الوكيل رحم الله الشيخ النجمي حفظه الله واسكنه فسيح جناته. Et il dit aussi en citant tout ce paragraphe est pris dans ceci le sophisme d'Abd al-Rahman al-Wakil. Il dit c'est l'ange. Il décrit Allah ainsi, Ibn Arabi. Il dit, c'est l'ange prosterné en bas du trône. Et il est le shaitan qui crie en enfer. Il est le curé qui est dans son adoration et qui pleure dans ses glorifications. Et il est le solar qui fait des bruits, qui commet et qui dépasse ses limites avec ses erreurs. Ainsi, il décrit Allah Azza wa Jal. C'est ça. Allah qu'adore Ibn Arabi et ses disciples. Et Cheikh Najmi, rahimahullah, nous dit, je ne vais pas être long, mais si tu veux en savoir plus, regarde ceci, le sophisme d'Abd al-Rahman al-Wakil. فهذا الذي سمعت أخي الإسلام هذا تقرير كله واضح عند ابن عربي يقرر فيه وحدة الوجود يقول هذا الخبيث هو المؤمن هو الكافر يعني كل ما ترى في الدنيا هو الله الرب عبد والعبد رب فيا ليت شعري من المكلف إن قلت عبد فذاك رب ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا المقام فذاك ميت أي العبد ميت أو قلت رب أنى يكلف وكان ابن عربي يرفع جبته ويقول ما تحت الجبة إلا الله أعوذ بالله من هذا الكفر فانظر البحث عن أصل جماعة التبليغ يجرنا إلى سماع هذا الخبث وهذا الكفر الفظيع لما؟ لأن مؤسس هذه الجماعة محمد الياس كان له علاقة بمن وكان يخلو قرب قبور من يعتقدون بوحدة الوجود وكان صوفيا غارقا في التصوف وكان يبايع على أربع طرق صوفية الجشتية والقادرية والسهلوردية والنقشبندية. انظر هذا كله البحث عن جماعة التبليغ يرغمنا إلى سماع هذا الخبث وهذا الكفر الفظيع. Donc tout ce que tu as entendu dans les paroles jusqu'à citer Cheikh Najmi Hafidhahu Allah Ta'ala, ce paragraphe qu'il a pris dans ça c'est le sophisme d'Abdurrahman al-Wakil, dedans il y a la confirmation de Ibn Arabi, il confirme les croyances de l'unicité, la croyance de l'unicité de l'oujoud, c'est-à-dire Allah, c'est sa créature, et la créature, c'est Allah aussi. Regarde, c'est une parole impure, il est le croyant, il est le mécréant. Ça veut dire que tout ce que tu vois dans ce bas monde, c'est Allah. Et dans l'une de ses poésies, il dit, le souverain, c'est le serviteur, et le serviteur, c'est le souverain. Et qui est parmi les deux? Il se pose cette question. Qui est parmi les deux qui doit s'acquitter des devoirs? Si tu dis qu'il est serviteur, celui-là, il est souverain. Et si tu dis qu'il est souverain, comment il doit s'acquitter des devoirs? Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah, rahmatullah alayhi, il disait qu'en arrivant, en lisant ce poème, si tu disais que le serviteur, si tu dis serviteur, celui-là, c'est le souverain, il dit non. Il dit, si tu dis serviteur, celui-là, il meurt et il est mourant. Rahimahullah ta'ala. Contrairement à ce que disait Ibn Arabi, si tu dis qu'il est serviteur, ben celui-là, c'est le souverain. Et souvent, ce Ibn Arabi, hein, levait cette djellaba, il disait dans la djellaba, il n'y a qu'Allah. Ça veut dire que lui et Allah, c'est la même chose. Hein? A'oudou billah, de cette mécréance. Regardez maintenant cette recherche sur Jama'at Tabligh et sur l'origine du Jama'at Tabligh, où est-ce qu'il nous ramène? Il nous ramène à écouter ces impuretés, à écouter cette mécréance claire. Pourquoi? Parce que le fondateur de Jama'at Tabligh a rapport avec des gens qui croient en l'unicité de l'existence. Et il faisait des retraites à côté de tombes de grands chouyours qui croyaient en l'unicité de l'existence. Hein? Et lui-même était soufi sur quatre voies soufies. Jushtiya, Sahrawardiya, Naqshbandiya, Qadiriya. ورجوعا إلى المورد العزب الزلال ثم يقول هذا عن ابن عربي يقول ابن عربي الرب هو صور العالم أي في عقيدة ابن عربي واسمع إليه يؤكد لك أن ربه كلما ترى من صور العالم هي ظاهر الحق إذ هو الظاهر وهو باطنها إذ هو الباطن وهو الأول إذ كان ولا هي وهو الآخر إذ كان عينها وهذا في كتابه الفصوص لابن عربي. Donc, الشيخ النجمي a de nous citer encore un passage. C'est-à-dire une parole d'Ibn Arabi. Il dit, le souverain, c'est l'image du monde. Ça, c'est dans l'aqidah d'Ibn Arabi. Et écoute-lui, tout confirmer tout cela. Tout confirmer que son souverain, c'est toutes les images que tu vois dans le monde. Il dit, tout ce que tu vois parmi les images dans le monde, c'est la parole de la vérité. Car Allah sait cette vérité apparente. Et c'est aussi l'intérieur de cette vérité, car il n'y a rien en dehors de lui. C'est-à-dire, il n'y a rien en dehors d'Allah. Dit, c'est lui le premier parce que rien n'existait avant lui. Et c'est lui le dernier parce que il est ces choses-là. C'est-à-dire les choses qui existent et les créatures qu'il y a. A'oudou billah. Tummaqal. Et retiens-toi. Barakallahu fik bien maintenant. Les énormités. Tummaqal. At-tajassudu fin-nisa. وإليك نصا واحدا من نصوصه يكشف لك عن مدى إيغال ابن عربي في عبادة الأنثى ولم يقول أي ابن عربي ولما أحب الرجل المرأة طلب الوصلة أي غاية الوصلة التي تكون في المحبة فلم يكن في صورة النشأة العنصرية أعظم من وصلة النكاح ولهذا تعم الشهوة أجزاؤه كلها ولذلك أمر بالاغتسال منه فعمت الطهارة كما عم الفناء فيها عند حصول الشهوة. Écoute maintenant comment pour Ibn Arabi, Allah est dans la femme. Voici un des textes d'Ibn Arabi qui te montre comment Ibn Arabi, comme il est cité ici, adore la femelle, adore la femme. Il dit, quand Allah, quand l'homme aime la femme, c'est qu'il demande l'arrivée et le summum de l'arrivée et le but de l'arrivée qui est dans l'amour. Et il n'y a rien dans l'image de l'existence de l'espèce mieux que l'arrivée par l'intermédiaire de l'acte sexuel. Parce que le plaisir, hein, englobe toutes les parties du corps. C'est pour ça qu'il lui a été ordonné de se purifier. Comme il a été anéanti et habité par le plaisir, au moment, hein, donc il lui a ordonné de se purifier. Et il dit, ce khabith, فإن الحق غيور على عبده أن يعتقد وأن يلتد بغيره فطهره بالغسل ليرجع بالنظر إليه فيما انفني فيه، إذ لا يكون إلا ذلك. فإذا شاهد الرجل الحق في المرأة كان مشهودا في منفعل، وإذا شاهده في نفسه من حيث ظهور المرأة شاهده في فاعل، وإذا شاهده في نفسه من غير استحضار صور ما تكون كان شهوده في منفعل عن الحق بلا واسطة. فشهوده للحق في المرأة أتم وأكمل، لأنه يشاهد الحق من حيث هو فاعل بلا واسطة. فشهوده للحق في المرأة أتم وأكمل، لأنه يشاهد الحق من حيث هو فاعل منفعل. أعوذ بالله. وهذا في الفصوص تابه في هذا المقطع يقرر لك ابن عربي أن شهود الحق في المرأة أتم وأكمل من رؤية رب العالمين. في هذه الفقرة، مغزى هذه الفقرة أن شهود الحق في المرأة أتم وأكمل من رؤية رب العالمين. نعوذ بالله من الخذلان. Dans ce passage que je viens de lire, أعوذ بالله، ابن عربي te dit, il te décrit, dans ce passage, la signification du passage, c'est que le fait de voir la vérité dans la femme est mieux et plus parfait que de voir le souverain des mondes. A'oudou billah. Voir, c'est-à-dire que la vérité que tu vois à travers la femme est plus complète que le fait de voir Allah Azza wa Jal. Regardez à quel point ils sont arrivés. Et ça, Ibn Arabi, c'est l'idole. C'est le mashaykh du mashaykh d'Al Soufia. Mais regardez, Hada Yassine du Mar, il fait dua, dont le dua d'Al Rabita, d'Al la liaison spirituelle qu'ils ont, il fait dua pour Ibn Arabi et pour Ibn Al-Farid. Et tout cela baigne jusqu'à leur tête dans l'unicité de l'existence, dans cette croyance impure qui est le fait de croire qu'Allah et ses créatures, c'est la même chose. ثم قال فقر الإله الصوفي إلى الخلق يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. Il dit aussi, en citant les paroles du Cheikh Abd al-Rahman al-Wakil, il dit que Ibn Arabi croit que dans un titre qu'il a intitulé, un chapitre qu'il a intitulé La pauvreté du souverain Sophie par rapport à ses créatures. C'est-à-dire que Allah, qui adore les Sophies, a besoin de ses créatures. Il cite ce verset du Coran où il dit « Ô gens, vous êtes les pauvres. Vous, vous avez besoin d'Allah, Azza wa Jal. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, il est le plus riche. Et celui qui a la richesse au sens large du terme. » فَيَقُولْ غَيْرَ أَنَّ الصُّوفِيَ هَذَا كَلَامُ مَنْ هذا كلام شيخ النجم يقول حفظه الله تعالى غير أن الصوفية تؤمن بإله فقير إلى الخلق فقير إليهم في وجوده فقير إليهم في علمه فقير إليهم في بقائه فقير إليهم في طعامه وشرابه فقير إليهم في كل شيء يهب له الظهور بعد الخفاء والوجود بعد العدم ويحول بينهم وبين الفناء. Mais quant aux Sophies, ils croient une divinité pauvre qui a besoin de des créatures. Il a besoin des créatures pour exister. Il a besoin de ces créatures pour sa science. Il a besoin des créatures pour exister, pour rester, pour durer. Il a besoin d'eux pour manger, pour voir, pour boire. Il a besoin d'eux pour être apparent et pour ne pas disparaître. Et il s'interpose entre eux et le fait d'être anéanti. A'oudou billah. Yaqoul ibn Arabi. Fa wujuduna wujuduhu wa nahnu muftaqirun ilayhi min haythu wujudina wa huwa muftaqirun ilayna min haythu dhuhurihi li nafsihi. Écoutez cette énormité. Il dit Ibn Arabi, notre existence est son existence. Nous avons besoin de lui pour exister. Et lui, il a besoin de nous pour être apparent pour lui-même. pour apparaître à lui-même. A'oudou billah. Ça, c'est la divinité dans laquelle croient les extrémistes d'Al Soufia. ويقول فأنت غداؤه بالأحكام وهو غداؤك بالوجود فتعين عليه ما تعين عليك. Il dit, Ibn Arabi toujours, tu es sa nourriture avec les lois, et lui il est ta nourriture avec l'existence, donc il lui est obligatoire ce qui t'est obligatoire. Il y a quelque chose qui est obligatoire pour Allah Azza wa Jal, khwat al-Islam. ويقول والأمر منه إليك ومنك إليه. Il dit les ordres te viennent de lui et partent de toi vers lui. Nous on donne des ordres à Allah Azza wa Jal, la créature donne des ordres à Allah Azza wa Jal. أعوذ بالله. غير أنك تسمى مكلفا وما كلفك إلا بما قلت له كلفني بحالك وبما أنت عليه. ولا يسمى مكلفا فيحمدني وأحمده ويعبدني وأعبده. Donc et il a dit, hein, l'ordre qui te vient de lui, l'ordre te vient d'Allah et part de toi vers Allah Azza wa Jal. Seulement que toi, il t'a appelé mukallaf, c'est-à-dire tu dois t'acquitter des devoirs, et alors il t'a rien imposé comme devoir. Seulement ce que tu lui as demandé de t'imposer comme devoir selon sa situation et selon la situation sur laquelle tu es toi. Il dit, on ne l'appelle pas lui comme quoi il doit s'acquitter des devoirs, comme ça il va me faire la louange et je vais lui faire la louange, il va m'adorer et je vais l'adorer. Des paroles qui ne veulent rien dire. Subhanallah. Et ça c'est la philosophie de Tasawwuf et Turrahat dans le Kalam. Thumma dhakara anil jili wa addi'a'uhu ar-rububiyyah al-'udhma haythu yaqul. Et maintenant il nous cite des paroles de Jili qui prétend être le souverain. Qui a prétendu être le souverain et le géant souverain, quand il dit dans sa poésie, فَمَهْمَا تَرَى مِنْ مَعْدِنٍ وَنَبَاتُهُ وَحَيَوَانُهُ مَعَ إِنْسِهِ وَسَجَايَاهُ وَمَهْمَا تَرَى مِنْ أَبْحُرٍ وَقِفَارِهِ وَمِنْ شَجَرٍ أَوْ شَاهِقٍ طَالَ أَعْلَاهُ إِلَى أَنْ قَالَ فَإِنِّي ذَاكَ الْكُلُّ وَالْكُلُّ مَشْهَدِي أَنَا الْمُتَجَلِّي فِي حَقِيقَتِهِ لَا هُوَ وَإِنِّي رَبُّ لِلْأَنَامِ وَسَيِّدُ جَمِيعِ الْوَرَى اسْمِي وَذَاتِي مُسَمَّاهُ. Et maintenant il nous cite, hein, des paroles d'Al-Jili qui a prétendu à la souveraineté extrême. Il a dit tout ce que tu vois comme source, comme hada, comme source qui est sur la terre et comme végétation, comme animaux, comme humains, comme toute parcelle que tu vois. Et ce que tu vois comme mer, et comme désert, et comme arbre, et comme montagne, et etc. Il a dit, tout ce que tu vois, je suis tout ça. Et tout ce que tu vois, c'est moi que tu vois. Et c'est moi sa réalité, et non pas lui. C'est-à-dire, c'est lui, Jili, qui est la réalité d'Allah, et non pas lui. Et je suis le souverain de tout le monde. Hein? Je suis leur souverain de tout le monde. Et mon nom et mon corps, c'est son nom. C'est-à-dire, c'est le nom d'Allah Azza wa Jal. Ça veut dire que le Jili, c'est Allah Azza wa Jal. فَكُلُّ هَذَا الْكَلَامِ إِخْوَةَ الْإِسْلَامِ مَبْنِيٌ عَلَى وَحْدَةِ الْوُجُودِ الْعَقِيدَ الْخَبِيثَةِ. Donc, toutes ces paroles que vous avez entendues, frère Allah Azza wa Jal, il est basé sur quoi? Sur l'unicité de l'existence. La créature, c'est Allah, et Allah, c'est la créature. Ce dogme impur. ثم ذكر أي عبد الرحمن الوكيل رحمه الله ثم ذكر عن الغزالي أي أبو حامد رحمه الله وأنه يدندن بوحدة الوجود فيقول العارفون بعد العروج إلى سماء الحقيقة اتفقوا أنهم لم يروا في الوجود إلا الواحد الحق. Il nous parle aussi de Ghazali Abu Hamid رحمه الله. Dit ce qui parle. Parce qu'il a parlé aussi, Abu Hamid a parlé, a émis des paroles pour sur Wahdat al-Wujud. Et il cite sa parole. Abu Hamid dit, rahimahullah, ceux qui connaissent l'arifoun, c'est un terme que Sophia utilise. L'arifoun, après leur ascension vers le ciel de la vérité, sont unanimes qu'ils n'ont vu dans l'existence qu'un unique et qu'un vrai. Ils n'ont rien vu de l'existence qu'un unique et d'un vrai, ça veut dire la créature et le créateur. ويقول أبو حامد ولكن منهم من كان له في هذه الحالة عرفانا علميا ومنهم من صار له فانتفت عنهم الكثرة بالكلية واستغرقوا بالفردانية المحضة فلم يبقى عندهم إلا الله فسكروا سكرا وقع دونه سلطان عقولهم فقال بعضهم أنا الحق وقال بعضهم سبحاني ما أعظم شأني وقال آخر ما في الجبة إلا الله وكلام العشاق في حال السكر يطوى ولا يحكى انتهى من هذه الصوفية. Mais il a dit, c'est-à-dire Abu Hamid al-Ghazali, rahimahullah, et fait partie de certains qui ont des connaissances, qui ont une science. Et certains, ceci est arrivé d'eux, est émané d'eux tout simplement par goût et par extase. Et dans ces cas-là, quand ils sont arrivés à ce point-là, à l'unicité de l'existence, oh, il n'y a plus le nombre. Il n'existe qu'une seule chose pure, qui est Allah. C'est-à-dire que toute la créature et Allah, c'est la même chose, c'est une seule chose. Et donc, ils se sont saoulés d'une saoulerie, ils sont rentrés dans une situation de saoulard qui a anéanti tout le pouvoir de leur raison. Et certains parmi eux ont dit, c'est-à-dire, ils sont rentrés dans un extase et dans une saoulerie où leur raison ne capte plus rien, ils sont plus doués de raison. Et certains parmi eux ont dit, moi je suis la vérité. Et d'autres ont dit, gloire à moi, il est grande ma situation. Et l'autre, il a dit, il n'y a dans la djellaba qu'Allah. Et regardez maintenant cette parole, cette mauvaise parole d'Abu Hamid, rahimahullah, qui a dit, mais les amoureux, donc quand ils sont saoulés par leur amour, il est de leur parole qu'il faut plier, il ne faut pas raconter. Ça, c'est extrait de, ça, c'est la Sophia. عبد الرحمن الوكيل. وهنا يقول أبو مالك رحمه الله تعالى: اسمعوا الاعتذار، كيف يعتذر لهم الغزالي؟ هذا الاعتذار البارد. ومن هنا تفهم لما يعكف التبليغيون وكبارهم على كتاب إحياء علوم الدين. والغزالي يقول عن أصحاب وحدة الوجوه: هؤلاء في حالة سكر فكلامهم يطوى ولا يروى. دونك ici ce passage que vous avez entendu, c'est Abu Hamid al-Ghazali, rahimahullah, essaye de trouver des excuses froides pour ceux qui croient en l'unicité de l'existence. C'est une chose très importante. Pourquoi les tablighis, les grands chouïrs d'Yal Tablighi, se penchent sur le livre d'Yal, les sciences de la revivification de la religion? Là, vous comprenez pourquoi ils se penchent sur ce livre. Leurs chouïrs se penchent sur ce livre. Même des fois, j'ai envoyé au commun des musulmans. Alors que c'est un livre dangereux. Ne peut profiter des livres, comme il a dit Cheikh Nasr, rahmatullah, et de Tchouyour, que des hommes de science. Parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup d'énormités. Si quelqu'un, il les gobe et il les croit, il va foutre sa religion en l'air. Il Ghazali dit des gens de l'unicité de l'existence, que ceux-là, ils sont extase, ils sont saoulés. Et dans leurs paroles, il faut les plier, il ne faut pas les citer. Comment il faut les plier et ne pas les citer? وابن الجوزي رحمه الله كان دائما يتعجب من الغزالي يقول عنه أبو حامد فقيه كيف نفقت عنده ترهات هؤلاء الصوفية انظروا رجل يشهد له بالفقه ومع ذلك وقع على أم رأسه في التصوف وترهاتهم. Donc regardez maintenant cette parole de Ibn al-Qayyim al-Jawzi, d'Ibn al-Jawzi رحمه الله. Ibn al-Jawzi s'étonnait toujours d'Abu Hamid al-Ghazali. Et il disait cette phrase: Abu Hamid, c'est un juriste qu'il consulte. Comment il est tombé dans le filet du sophisme? Comment les paroles d'Yal Sophia, il a gobé les paroles d'Yal Sophia? Regardez. Un homme à qui on atteste qu'il est un juriste consulte, qu'il a de la science, qu'il a de la compréhension, et malgré tout ça, il est tombé sur sa tête dans le sophisme, il s'est fait avoir par les paroles des Sophies. Qu'est-ce que ça veut dire ça pour nous? ماذا؟ ماذا يتبين لنا من هذا أيها الإخوة؟ هذا يتطلب منا أيها الإخوة اليقظة والتأمل، ولا نغتر بما عندنا من معلومات، لأن بعض إخواننا وفقهم الله لا زالوا في البداية ويريدون أن يناظروا هذا وذاك، وبعضهم لا يلبث أن يسقطوا في شراك من كانوا يريدون مناظرته من أهل الباطل. فلنتق الله في أنفسنا، ولنتق الله في ديننا، ولنتق الله في منهج سلفنا الصالح رضوان الله عليهم، وأن نعتصم به. خيرنا الله عز وجل. Regardez cet homme qui est Abu Hamid, que certains appellent la Hujja, la preuve, avec la jurisprudence et la science qu'il avait, comment il est tombé et comment il a gobé les paroles du soufisme. Comme dit Ibn al-Jawzi, rahimahullah, cela doit attirer notre attention, il doit nous éveiller et méditer sur notre situation, et que nous ne devons pas nous faire avoir par les données que nous avons. On ne dit pas que nous avons de la science, par les données que nous avons, il ne faut pas. Certains de nos frères, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur donne la clairvoyance, ils sont au début et ils veulent faire des débats avec celui-là et celui-là. Et certains parmi eux tombent dans le filet de ceux à qui ils voulaient faire le débat, parmi les gens du faux et du blâmable, et parmi les gens qui sont dans des voies égarées. Nous devons préserver Allah azza wa jal pour nous-mêmes. Et se préserver nous-mêmes, préserver notre religion, préserver ce manhaj, qui est le manhaj de nos puiseurs, d'Allah alayhim. En islam, il ne faut pas être un but de soi. Il ne faut pas être un but de soi. Il faut être éveillé, frère en Allah, azza wa jal. Il ne faut pas se faire avoir. Raconte le mashayir et les du'at que vous suivez sur internet, vous avertissent contre tel site, telle personne, il ne faut pas lire, il ne faut pas... Ce n'est pas qu'ils ont une haine ou là une jalousie vis-à-vis de ces gens-là, loin de là. C'est parce qu'ils savent que ces gens-là sont capables de vous envoyer des ambiguïtés, sont capables de vous détourner de la vérité. Craignez Allah Azza wa Jal pour vous-même. Et craignez Allah Azza wa Jal dans ce que vous entendez. La da'wa, dit le salafia, il n'appartient à personne. Donc ceux qui avertissent, ils n'avertissent pas pour avoir le terrain. Là, il y a l'islam. La da'wa salafia a besoin de maximum de gens qui appellent vers cette da'wa. Et de maximum d'efforts, vu le nombre d'éclatés de du'at qui prêchent le faux. Il faut que ça soit une réalité dans notre tête. Parce que certains... Mais pourquoi tout le temps vous avertissez? Pour toi, tout... Ya khal islam, l'avertissement fait partie des fondements des gens de la sunna. On doit être dans une clarté. Le chemin à suivre, il est clair. Il faut enlever toute ambiguïté qui puisse s'immiscer. Il faut le débroussailler, ce chemin. Il est clair. Il ne faut rien laisser s'immiscer dedans. Tu dis, mais ces gens-là, ils ont du bien, ils disent que du bien. Ya akhal islam, derrière ce bien, toi, tu vas tomber et tu ne sais pas où tu es après. Regarde combien. On dit deux. Des gens disaient du bien. Et regarde, à la fin, ils ont montré leur visage. Certains invitent Aïd al-Qarni dans leur mosquée. Alors qu'Aïd al-Qarni, il n'y a pas très longtemps, il a été invité par qui? Par Jama'at Tabligh, il a accepté l'invitation. Et dans ses du'as, il a dit des choses. Allahu al-Musta'an. Je vais vous les faire écouter une fois et les coller avec les paroles des hommes de science pour savoir combien. Il ne faut pas se faire avoir par les apparences et par le langage. Et par les médias. Nous devons craindre Allah Azza wa Jal. Notre religion, on ne l'apprend pas des médias. On ne l'apprend pas des têtes d'affiche. Et sachez que les hommes de science qui avertissent et qui veulent que les jeunes soient dans une voie claire, ils n'ont aucune haine avec personne. Ils veulent le bien à tout le monde. Et quand ils avertissent, leur avertissement, la première personne qui va en profiter, c'est celui contre lequel ils ont émis cet avertissement. Parce qu'ils vont alourdir son fardeau. Il y aura moins de monde qui vont le suivre dans le mal et dans l'égarement. Wa yaqulu al-shaykh hafidhahullah ta'ala wa fi safhat 58 qala al-mu'allif ilahu ibn 'amir al-basri wa likay la tartab anna ma dhakartuhu wa din as-sufiyyah jami'an min salafihim ila khalafihim ومعاصر أذكر لك دين بعض أصنامهم الصغيرة فاسمع إلى ابن عامر الذي عارض تائية ابن الفارد بتائية مثلها وزنا ومعنى ولطخها بنفس الزندقة الفارضية. قال: تجلى للمحبوب في كل وجهة، فشاهدته في كل معنى وصورة، وخاطبني مني بكشف سرائر تعالت عن الأغيال. فقال: أتدري من أنا؟ قلت: أنت يا منادى أنا، إذ كنت أنت حقيقة. Maintenant dans la page 57 de quel livre? Toujours de Sophia. هذه هي صوفيا. Ça c'est le sourire. مؤلف il a dit l'adoré de Ibn Amir al-Basri. Il dit حفظه الله تعالى pour continuer que رحمه الله تعالى pour continuer pas de doute que ce que je t'ai annoncé de la religion du sophisme. Que ce que je t'ai annoncé, c'est la religion de tous les sophies, ceux les premiers et les derniers et les contemporains. Et il dit, je vais te citer la religion de certaines de leurs petites idoles. Écoute les paroles de Ibn Amir, qui a opposé au poème, à la ta'iyya de Ibn al-Farid, un autre poème ta'iyya qui se termine par ta à la fin. Les mesures sont les mêmes. Mais il l'a aussi tacheté de la même zendaka qu'Ibn al-Farid, c'est-à-dire wahdat al-wujud. Le mahboub l'aimait, m'est apparu à moi dans toute direction. Il parle d'Allah. Et je l'ai vu dans toute signification, dans toute image. Et il m'a parlé pour me dévoiler les secrets. Et il m'a dit, tu sais qui moi? Je lui dis, toi, c'est moi. Si tu es la réalité, donc toi, c'est moi. Qu'est-ce qu'il dit par là? Il dit qu'il est Allah Azza wa Jal. A'oudou billahi min al-khudlan. فقال أتدري من أنا قلت يا منادى إذ كنت أنت الحقيقة فالصوفية يدورون على هذا المعنى. فقال أتدري من أنا قلت أنت يا منادى أنا إذ كنت أنت الحقيقة فالصوفية يدورون على هذا المعنى. وعمر هكذا في بعض أبياته قال للمحبوب لما زرته من ببابي قلت بالباب أنا قال لي أخطأت تعريف الهوى حيث فرقت به بيننا ومضى عام فلما جئته أطرق الباب عليه قال من قلت انظر ما في الباب إلا أنت هنا قال لي أحسنت تعريف الهوى وعرفت الحب فادخل يا أنا أعوذ بالله. Donc كنت هذا ابن عامر البصري الذي est-ce que tu sais qui je suis. Quand dit que Allah lui a dit est-ce que tu sais que qui je suis? Je lui dis c'est moi. Toi qui appelles si tu es la vérité, donc je suis moi. C'est moi. Donc il est sophie tourne tout ce tour de cette signification. Écoutez Omar Khayyam lui. Et les livres d'Al Omar Khayyam sont traduits en français et on les trouve partout. Dans toutes les il dit dans certains de ses poèmes mon amoureux m'a dit quand je l'ai visité et j'étais devant sa porte, quand j'ai frappé, il a dit, qui est devant la porte? Je lui dis, c'est moi. Et il lui a dit, tu es dans l'erreur, dans la définition que tu as donnée à l'hawa, aux passions, parce que tu as fait les différences, parce que dans ta définition, tu as fait les différences entre nous. Tu nous as différenciés. C'est-à-dire il a fait que lui, ce soit la créature, il a reconnu Allah Azza wa Jal. Et il dit, une année après, je suis venu, j'ai frappé à sa porte. Il m'a dit, qui est là? Je lui ai dit, regarde, devant la porte, il n'y a que toi. Là, il parle d'Allah, akhal Islam. Et il a dit, ici, tu as bien donné la définition aux passions, et tu as connu l'amour, rentre, ô toi qui es moi. Sophia et Khwatel, tous leurs poètes tournent autour de cette idée-là. Prends la poésie traduite de Jalal al-Rumi, al-Khayyam et autres, tout ça. Et c'est pour ça que tu vois que beaucoup de livres, et même dans certaines, tu vois, dans certaines puces, tu tombes sur des livres très anciens qui sont traduits, hein, Amir Abdelkader, ceci, etc. Et des fois, on leur donne des titres, la spiritualité de tel, la spiritualité de tel, mais en réalité, c'est Wahdat l'Oujoud. Dedans, il est clair, il est déclaré clair et net. انظر انت في البدايه اخطات فلما جاء بعد سنه قال من في الباب قال انت فقال لو احسنت تفضل فادخل يا انا هذه الاشعار وان كانت في ظاهرها غزل وعشق ولكن في باطنها العقيده الفارضيه الخبيثه وحده الوجود regarde au départ quand il était devant la porte il lui a dit qui est là il lui a dit c'est moi il lui a dit tu es tombé dans l'erreur et une année après quand il a dit C'est toi, il lui a dit, toi qui es moi. Ces poèmes, même dans leur apparence, il apparaît l'amour, hein, la drague, etc. Mais dans leur intérieur, c'est l'aqidatu d'Ibn al-Farid. C'est cette aqida impure qui est l'unicité de l'existence. ولقد كان عائد القرن هذا يذندن بهذه الأبيات ويرددها في المحاضرات فلا ندري هل هو يدري ما فيها من عقيدة وحدة الوجود أو لا يدري وإن كان لا يدري فتلك مصيبة وإن كان يدري فالمصيبة أعظم عائد القرن comme l'ont cité les hommes de science, cité ses poèmes dans certaines de ses conférences et s'y enregistrer. Et on ne sait pas s'il sait là, le dogme de l'unicité de l'existence qu'il y a dans ses poèmes, ou là, il ne le sait pas. Ben, s'il ne le sait pas, c'est une catastrophe. Et s'il le sait, ben, la catastrophe est énorme encore. وفي صفحة 58 قال المؤلف إله الصدر القونوي قال في كتابه مراتب الوجود فالإنسان هو الحق وهو الذات وهو الصفات وهو العرش وهو الكرسي وهو اللوح وهو القلم وهو الملك وهو الجن وهو السماوات وكواكبها والأرضون وما فيها وهو العالم الدنيوي وهو العالم الأخروي وهو الوجود وما حواه وهو الحق وهو الخلق وهو القديم وهو الحادث. Et à la page 58, l'auteur a dit, il a l'adoré de Sadr al-Qanoui. Il a dit dans son livre, Les étapes de l'existence, l'être humain, c'est la vérité. Et il est l'essence, et il est les attributs, et il est le trône, et il est le piédestal, et il est l'auh, dans toute l'auh, dans lequel tout le destin est écrit, et il est le qalam, le crayon, et il est l'ange. Il est le djinn, il est les cieux, et il est les astres, et les galaxies, et il est les terres, et tout ce qu'il y a dans ce monde, hein, dans ce bas monde, et dans le-delà, c'est l'existence, et ce qu'il contient, et c'est la vérité, et c'est la créature, et c'est l'ancien, et c'est le nouveau. Tout ça, c'est l'être humain. الصوفية إخوة الإسلام جعلوا جنس الإنسان كل شيء موجود النصارى جعلوا الله سبحانه وتعالى حال في عيسى بن مريم الرافضة جعلوا الله حال في علي بن أبي طالب يعني علي بن أبي طالب هو كل شيء عند الرافضة أذكار وأوراد في كتب خبيثة فيها أن علي هو كذا وهو كذا وفيه رافض يأتي على الإنترنت ويقول أنا ناقة صالح أنا عصا موسى أنا الطوفان أنا الصخر أنا الطامة ما ترك شيئا إلا علي بن أبي طالب ما أعظم خرافات الرافضة وكذلك ما أعظم خرافات الصوفية عقول مسخت من الله عز وجل للصوفي on fait que l'espèce humaine c'est toute chose qu'il y a dans l'existence les chrétiens on fait qu'Allah Il est tout simplement dans Isa ibn Maryam. Seulement, qu'Allah, il est dans la personnalité de Isa ibn Maryam. Rafida, on fait qu'Allah, il est tout simplement dans Ali, radiyallahu anhu wa arda. Ta'ala Ali, amma yaqouloun. Pour Rafida, Ali, c'est toute chose. dans beaucoup de leurs adhkar, de leurs invocations, etc., et dans leurs livres impurs, trouvent que allez ici ceci, allez ici cela, et ainsi de suite. Et il y a un rafid et un khabit qui vient sur certains salons d'internet, il dit: moi, je suis la chamelle de Saleh, je suis le bâton de Moussa, je suis le déluge, je suis Tamma. Il délaisse rien, sauf Ali, il le cite pas. Combien ils sont énormes les histoires à dormir debout d'El Rafida, et combien sont énormes les erreurs et les histoires à dormir d'El Sofia. Ce sont des raisons qui ont été défigurées, des raisons qui ont été défigurées, dénaturées. كيف يقولون الإنسان هو الحق، الإنسان هو الذات، الإنسان هو الملك، الإنسان هو الجن، هو الصفات، هو العرش، والله سبحانه وتعالى عظم العرش وصفه بالعظيم، ويأتيك هذا الضعيف ويقول لك هو العرش. الجهمية أول العرش، وهؤلاء جعلوا الإنسان هو العرش، الرافضة جعلوا العرش هو علي بن أبي طالب. Comment ils disent que l'être humain, c'est la vérité, c'est l'essence, l'être humain, c'est l'ange, l'être humain, c'est le diable, l'être humain, c'est les attributs, l'être humain, c'est le trône d'Allah. Allah, subhanahu wa ta'ala, a donné l'importance au trône. Il l'a décrit comme quoi il est azim, il est géant, et il arrive ce faible, il te dit que toi, tu es l'arche. Les Jahmiyyah ont déformé la signification de l'arche. Et haoulaï, et ceux-là ont fait que l'être humain, c'est lui-même l'arche. A'oudou billah. Et Rafida ont fait que l'arche, c'est Ali ibn Abi Talib. Ta'ala, amma yaqulu ha'oula. Ta'ala Allah, amma yaqulu ha'oula. Ta'ala Aliyun, amma yaqulu ha'oula. Lau sama'ahum Ali, laqad ta'ahum iraban iraban. Si Ali les entendait, il les aurait coupés morceau par morceau. Wa taqulu. ويقال عن امرأة الجهم بن صفوان كانت أسنانها بارزة ودخلت على نساء أحد أئمة السلف وذكرت لها العرش فقالت لها امرأة الجهم وكانت مثله وتدعو النساء إلى عقيدته قالت لها هذا العرش من نجره وأجابت هذه السلفية الصالحة نجره من نجر أسنانك هاته أي الله هو الذي خلق العرش. On dit maintenant, on rapporte que la femme du Jahm ibn Safwan, le fondateur d'El Jamia, sa femme, il avait ses dents déformées qui sortaient un petit peu, qui étaient trop en avant. Et il est rentré chez l'une des femmes pieuses de l'un de nos puiseurs d'Allah Alim, et ils ont parlé du trône d'Allah Azzawajal. Et la femme de Jahm lui a dit comme ça, parce qu'il appelle les femmes vers cette aqida d'El Jahm, l'Osfouane, il lui a dit: mais qui est ce menuisier qui a fait le trône? Et cette femme pieuse, cette salafia, il lui a dit: il l'a fabriqué celui qui a fabriqué tes dents. C'est-à-dire Allah Azzawajal, c'est lui qui a fabriqué le trône. Regardez cette femme pieuse et cette réplique qu'il a fait à cette femme. Et l'autre s'est tue. Thumma dhakara ani Nabulsi wa ibn Bashish wa Damardash. وابن عجيبة وحسن رضوان عبارات تفيد أنهم يؤمنون بوحدة الوجود القذرة. أما صاحب الكشف عن الصوفية لأول مرة في التاريخ وهو الشيخ محمد عبد الرؤوف القاسم جزاه الله خيرا فهو يقول ثم يا بخي لا عبد الرحمن الوكيل continue à parler à citer النابلسي بن بشيش دمرداش بن عجيبة Hassan Ridwan, il a cité deux des expressions qui, dont le sens veut dire que ces gens-là croient en l'unicité de l'existence, cette croyance impure. Quant à l'homme qui a écrit dévoiler le dévoilement de la Sophia pour la première fois dans l'histoire, c'est Cheikh Mohammed Abdelraouf al-Qasim, Cheikh Najmuddin, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur récompense, il dit ceci. Fahada, Cheikh محمد عبد الرؤوف القاسم توصل إلى أن عقيدة وحدة الوجود هي عقيدة الصوفية كلها بلا استثناء، عقيدة باطلة، عقيدة باطلة. دونك الشيخ النجمي نقل عن شيخ محمد عبد الرؤوف القاسم جزاه الله خيرا خير الجزاء، قوله: إن الصوفية كلهم من أولهم إلى آخرهم إلا المبتدئين منهم يؤمنون بوحدة الوجود، وما مضى ومئات النصوص التالية أدلة وبراهين، انتهى من الكشف. ويقول دونك سيت بارول كو نو سيت الشيخ النجمي دو لا بارول دو الشيخ محمد عبد الرؤوف القاسم، اللي لي صوفي tous du début jusqu'à la fin sauf les débutants croient en l'unicité de l'existence. Et ils disent ce que j'ai cité comme parmi les centaines de textes le prouve, ce sont des prouves, et ceci c'est dans le kashf. Le kashf, le dévoilement pour la première fois dans l'histoire du soufisme. ويقول رحمه الله: قبل الولوج في متاهة النصوص الصوفية ودهاليزها الملتوية المتعرجة وزحاليفها المتقنة الصنع، قبل ذلك يجب أن نأخذ فكرة واضحة عن الأساليب التي يتبعونها في بسط أفكارهم وعقائدهم، في أقوالهم وكتاباتهم، في تواليفهم ودعاياتهم، لنستطيع فهم كلامهم بوضوح تام وأن نعرف أغراضه وأهدافه. بدون ذلك لا نستطيع دراسة الصوفية دراسة صحيحة، وستكون دراستنا لأساليبهم من أساليبهم ومن أقوالهم وتواصيهم فيما بينهم، وسنرى بوضوح تام في هذه الدراسة ما يلي. Il dit, rahimahullah ta'ala, c'est-à-dire, Cheikh Mohammed Abd al-Raouf al-Qasim, et je voudrais que tu ouvres tes oreilles avec ce passage, tu lui donnes hein, de l'importance. Parce qu'il va te donner des règles pour reconnaître le soufisme. Il dit, avant de rentrer dans les égarements des textes du soufisme et dans les ténèbres du soufisme et dans ces ténèbres qui sont bien perfectionnées dans leur fabrication, il faut prendre une idée claire des moyens et des styles qu'ils suivent pour propager et pour exposer leurs idées et leurs croyances, que ce soit dans leurs paroles ou là dans leurs écrits. Et aussi pour comprendre, et que ce soit aussi dans ce qu'ils propagent, pour pouvoir comprendre leurs paroles avec clarté complète. Et pour savoir les buts pour lesquels hein, ils le font. Sans cela, on ne pourrait pas étudier une étude authentique et avenante du soufisme. Et il dit, rahimahullah, une autre étude du soufisme va être en partant de leur style, et de leurs expressions, et de leurs paroles, et de leurs écrits. Et il dit, je vais vous en éclairer. D'où après Cheikh Najmi, ces paroles, il les a prises de Cheikh Mohammed Abd al-Raouf al-Qasim, rahimahullah ta'ala. فهذا الشيخ محمد عبد الرؤوف القاسم توصل إلى أن عقيدة وحدة الوجود هي عقيدة الصوفية كلها بلا استثناء عدا المبتدئين منهم، وهي عقيدة باطلة ومقدسة عندهم، وهي في الحقيقة وهي الحقيقة وهي السر. والإنسان لا يكون صوفيا كاملا إلا إذا وصل إلى هذه الحقيقة ووصل إلى هذا السر الذي لا يمكن كشفه. ما هو هذا السر؟ وحدة الوجود. دونك الشيخ محمد عبد الرؤوف القاسم partant de l'étude qu'il a fait du sophisme, il est arrivé que le dogme de l'unicité de l'existence, c'est le dogme de tous les sophistes sans exception, à part les débutants parmi eux. Ce dogme nul et non avenant, il est vénéré chez les sophis. Et si elle était le secret, et l'être humain ne serait être sophie complet que sauf s'il est arrivé à cette réalité, sauf s'il est arrivé à ce secret. Il n'a pas le droit de dévoiler ce secret aussi. Et c'est quoi ce secret? Ce secret, c'est l'unicité de l'existence. Croire en l'unicité de l'existence. Au Cheikh Abu Malik al-Juhani yaqoul, wa ana a'taqid wa la ashukku anna Sayyid Qutb min ha'ula annahu mimman yu'minu bi wahdati al-wujud wa huwa zahir wa sarih fi tafsir qawli Allah 'azza wa jalla قل هو الله أحد، كلامه أوضح من كلام ابن عربي في تقرير هذه العقيدة الفاسدة. شيخ أبو مالك الجهني il dit et moi je crois et je n'ai pas de doute que Sayyid Qutb fait partie de ces gens-là qui croient en l'unicité de l'existence. Il dit les paroles de Sayyid Qutb sont claires. quand il explique, قل هو الله أحد, il l'explique avec cette croyance de l'unicité de l'existence. Il est dit, ces paroles sont aussi claires que les paroles d'Ibn Arabi dans la confirmation de cette aqida nulle et non avenante. فإخوة الإسلام سألكم لماذا يكلمنا الشيخ النجمي رحمه الله عن التصوف وهو في صدر نقد جماعة التبليغ لأن جماعة التبليغ أيها الإخوة جماعة صوفية وهي كما قال الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله صوفية عصرية. Maintenant frère, on Allah عز وجل, on peut se poser la question, pourquoi الشيخ النجمي nous parle autant du sophisme alors qu'il est dans la critique de جماعة التبليغ. Savoir que Jama'at Tabligh, il faut que ça rentre dans notre esprit que c'est une Jama'at Soufi. Et comme il a dit Cheikh Nasser, rahmatullah alayh, il y a plus de 50 ans maintenant, quand il lui a posé la question, on lui a décrit l'image de ce groupe, il a dit ça, c'est le sophisme moderne. Au sophisme, c'est un sophisme contemporain. Il a dit que Jama'at Tabligh, Soufiyatun Asriya. فالصوفيون إخوة الإسلام يؤمنون بهذه العقيدة عقيدة وحدة الوجود. وهناك رسالة علمية في تقرير هذه الحقيقة وأن عقيدة وحدة الوجود هي عقيدة كبار التصوف. حتى الذين كانوا يعيشون أيام السلف أيام أحمد بن حنبل وابن خزيمة ولكنهم كانوا يخفونها حتى ظهرت ظهورا لا خفاء فيه عند ابن عربي وابن سبعين وهؤلاء ولكن خفية عند غيرهم كالغزالي والجنيد مثلا وحتى عبد القادر الجيلاني ولكن عند ابن عربي واضحة جدا. Et donc frère, on Allah عز وجل, comme le dit Cheikh Abu Malik al-Juhani, les soufis croient en cette aqida impure qui est l'unicité de l'existence. Il dit, il y a une risala ilmiya, c'est-à-dire il y a une risala de soutenance qui a été faite dans l'une des universités dans laquelle il confirmait cette réalité que aqida wahdat al-wujud, la croyance dans l'unicité de l'existence, c'est la aqida des grands du tasawuf. Même ceux qui vivaient à l'époque d'Yal Salaf, à l'époque d'Ahmed ibn Hanbal et d'Ibn Khuzaima, mais à cette époque, comme la voix d'Yal Salaf était apparente, il l'a cachée. Il l'a cachée. Et cette aqida est devenue apparente seulement avec, quand est apparu Ibn Arabi, Ibn Sub'in, et cela. Et il n'était pas très clair chez le Ghazali et chez le Junaïd, par exemple. Et il dit, Cheikh Al-Juhani, même chez Abdel Qadr Al-Jilani, il était caché. Mais chez Ibn Arabi, هذا النكرة, à l'indéfini, cette aqida était claire. فهناك سر سنرى الآن بوضوح تام في هذه الدراسة ما يلي. الشيخ de nous dire, c'est-à-dire, الشيخ Mohamed Abdelraouf Al-Qasim de dire dans ce qu'a cité Cheikh Najmi, nous allons voir dans cette étude du sophisme les points suivants qui vont nous éclairer. أولاً هناك سر غريب يتواصون بكتمان عن غير آله. Premièrement, il faut savoir parmi les fondements de ces sophia, c'est qu'ils ont un secret qu'ils s'enjoignent mutuellement de le cacher. De ne pas le divulguer à ceux qui ne sont pas soufis. Premier point. Taniyan ahlu sirri, ahlu hada sirri, homo soufia. Et les gens de ce secret ne sont autres que les soufis. Une personne qui n'est pas soufie ne peut pas partir avoir ce secret. Hada sirri, huwa kufrun, wa zandakatun. يقتل من يبوح به على أنه مرتد عن الإسلام. Le troisième point, ce secret, c'est une mécréance et c'est une zendaka. Et celui qui le dit, qui le divulgue à quelqu'un qui n'est pas soufi, il est considéré comme un apostasé, comme s'il a apostasé de l'Islam et donc le soufi il le tue. Regardez ces trois points énormes. Idem. هناك فيه سر يقتصرون في إباحته على الصوفية ويرون أن من يبوح به يقتل على أنه مرتد وهكذا كل الأحزاب والطرق إخوة الإسلام. Donc regarde ici le premier point que nous cite Cheikh Mohamed Abdelraouf Al-Qasim, c'est que là il y a un secret qui ne doit pas être divulgué et qui doit rester dans le milieu soufi tout simplement. Il voit que le fait que celui qui l'annonce à quelqu'un d'autre qui n'est pas soufi, qui le divulgue, il doit être tué. Il a sentence, il a la sentence de celui qui a apostasie. Et c'est les soufis qui le font. Donc ça dit, ils ont un secret. Et observe avec moi que tous les partis et tous les groupes et toutes les sectes, ils ont des secrets. Ils ont un secret. Kadalika Samiret. يقسمون المجتمع الإسلامي إلى صنفين. الأمر الرابع الذي يجب أن تقف عليه إخوة أخ الإسلام أنهم يقسمون المجتمع الإسلامي إلى صنفين. الصنف الأول أهل الشريعة ويسمونهم أهل الظاهر أو أهل الرسوم أو أهل الأوراق أو العامة. والقسم الثاني أهل الحقيقة وهم الصوفية ويسمونهم أيضا أهل الباطن وأهل الأذواق أو الخاصة وخاصة الخاصة وهم كبارهم. Écoute bien, frère en Allah Azza wa Jal. Comme ça, tu connais sur quoi est fondé le sophisme. Comme ça, tu comprends aussi comment est divisé. Hein? Même Jama'at Tabligh, ils ont l'Hbab, le Kiram, le Qudama, en premier, ce qu'on appelle les anciens, et en bas, les nouveaux et les sympathisants. Bah, cette division, tu la retrouves chez le Sofi. Les Sofis divisent la communauté musulmane en deux parties. Les gens de la législation, et ils les appellent les gens de l'apparence, et les gens des écrits, et les gens du feuille, et ils les appellent les communs. C'est-à-dire les hommes de science, pour eux, ce sont des communs. Ceux qui s'occupent du hadith, ce sont des gens du commun. Ce sont ceux qui s'occupent de l'apparence de la religion et de la législation. Ah, t'as compris? Deuxièmement, la deuxième catégorie dans la société, les gens de la vérité, ce sont les soufis. Et ils les appellent aussi les gens d'Yalbaten, ceux qui connaissent la réelle interprétation, l'interprétation de l'intérieur. Et ils les appellent les gens du goût. Et ils les appellent les particuliers. Et ils les appellent, ceci, ça concerne leur grand, les particuliers parmi les particuliers. Les particuliers des particuliers, et ça, ce sont ceux qui sont au summum, ce sont leurs grands. Rappelle-toi de cette division de la communauté à l'islam. سمعت أيها الأخ الكريم أنهم يسمون غيرهم بالعامة وبأهل الأوراق لأن العامة يأخذون علمهم من الأوراق يعني من الكتب يعني من الكتب يأخذون العلم من القرآن من صحيح السنة أما هم فلا فهم أهل الأذواق والكشف وما يقيمون وزنا للأوراق أي لهذه الكتب ومن أراد منهم أن يتعلم يتعلم من خلال الخلوة الصوفية. فهنا الله عز وجل تنتظر منتنا il divise la communauté musulmane en commun et en particulier. Le commun, ce sont ceux qui apprennent, ce sont qui s'occupent, hein, qui apprennent les livres de la Sunna, qui apprennent le Coran, qui se penchent sur les interprétations du Coran, sur les livres des puiseurs d'Allah alayhim, et qui prennent leur science de là. Quant à eux, non. Ce sont les gens du goût. Les gens de dévoiler le secret, c'est-à-dire ils lisent à l'intérieur du cœur. Parmi eux, certains même prétendent qu'ils lisent dans l'Lawh al-Mahfouz, l'ayadan billah. Ils ne donnent aucune importance aux livres. Aux livres de la Sunna, ils ne leur donnent aucune importance. Ils disent que celui parmi eux qui veut apprendre, il faut qu'il fasse une retraite spirituelle, une retraite à la Sophie. Et je vous conte une histoire d'un des chirs de Damas qui est en contact auquel les Naqshbandis de France font allégeance. Et il est venu plusieurs fois au nord dans hein, le lieu et le centre qui est dirigé par Blad. Il y a un Français converti qui est dans le Naqshbandia. Et Hada, Rajab Dibi leur compte cette histoire. Il a dit, pour arriver au point où je suis arrivé, j'ai fait une retraite de 4 mois durant laquelle je n'ai pas dormi, je n'ai pas mangé. Comment est-ce que quelqu'un qui est de haut et de raison, il peut accepter ça. Il n'a pas mangé et il n'a pas dormi. Et il a dit, pour garder mes yeux ouverts, je mettais du sel dans mes yeux. Et c'est pour ça, moi j'ai vu la cassette dont il dit ça. Et ça a été filmé ici, au nord de la France, dans la capitale du Nord qui est Lille, dans leur centre, là dans un appartement. Ben, je voyais ses yeux. Ben, il avait des lunettes que dans les verres sont très gros. Ça veut dire qu'à force d'utiliser, s'il a agi ainsi, c'est-à-dire qu'il a bousillé ses yeux. Il a bousillé ce bienfait avec lequel Allah, subhanahu wa ta'ala, il l'a comblé. Est-ce que quelqu'un qui est doué, et moi, la question que je me pose, des gens qui ont fait des études, qui étaient jusqu'au bas, qui se disent rationnels, éduqués dans la rationalité, dans la cartésienneté, comment ils arrivent à gober ce genre de truc? Qu'un homme ne puisse pas dormir pendant 120 jours et ne pas manger. Dans ces cas-là, quand on arrive, gars, si on arrive à ce point-là, où est-ce qu'on va arriver? On va perdre la boule, on va perdre sa raison. Donc tout ce qu'on va dire, ce sont des dissertations d'El Shaitan. قال قائلهم تأخذون علمكم من عبد الرزاق أي أبو عبد الرحمن الصنعاني وكان أكثر الناس رحلة ما رحل إلى أحد كما رحل إلى عبد الرزاق في اليمن رحل إليه الإمام أحمد رحمه الله والإمام يحيى بن معين وجماعة من أهل العلم والسنة والصوفيون كانوا يقولون أنتم تأخذون علمكم عن عبد الرزاق ونحن نأخذه عن الرزاق الخلاق مباشرة حتى قال قائلهم حدثني قلبي عن ربي إيه certains parmi eux ont dit à une époque L'époque des plusieurs dans l'âme. Il me dit, vous prenez votre science de Abd al-Razzaq Abu Abd al-Rahman al-Sun'ani. Et cet homme de science, c'est un homme vers lequel les hommes de science voyageaient. L'imam Ahmed, il a voyagé pour apprendre chez Abd al-Razzaq. Yahya ibn Ma'in aussi a voyagé pour apprendre chez Abd al-Razzaq. Alors que quand l'imam Ahmed est arrivé à la Mecque, il a rencontré Abd al-Razzaq à la Mecque. Et quelqu'un lui a dit, bah, c'est pas la peine de voyager vers lui. Il lui a dit, non, mon intention c'était d'aller apprendre chez lui au Yémen. Et il a continué, même malgré qu'il l'a rencontré à la Mecque, il a continué son voyage jusqu'à aller au Yémen après le pèlerinage pour aller apprendre chez Abd al-Razzaq et s'asseoir devant lui. Et même Ahmed, il a été chez lui. Et Sophia, il disait à cette époque, vous prenez votre science de Abd al-Razzaq, nous on l'apprend de celui qui donne la subsistance. Qui est le créateur directement. Tel point que certains parmi eux ont dit, mon cœur m'a parlé, m'a annoncé de mon Seigneur. Mon cœur m'a annoncé de mon Seigneur. Qu'est-ce qu'il t'a annoncé? Peut-être que ton cœur t'a annoncé des choses qui te viennent minash shaitan directement. Nahnu ikhwat al-islam, indana, haddatana, malik, an nafi' an abdullah ibn umar, an rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Hadi silsilatu al-dhahabiyya. وعندنا حدثنا مسداد بن صرح عن يحيى بن سعيد عن شعبة عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه أساندنا وهم يأبون ذلك ويقولون نحن على طول إلى رب العالمين حدثني ربي حدثني قلبي عن ربي وهي في الحقيقة حدثني شيطاني عن قلبي حدثني قلبي عن شيطاني Donc, nos frères en Allah, Azzawajal, notre religion, ou là, avec les chaînes de transmission les plus hautes, ce qu'on appelle les hommes de science, les chaînes d'or, là, Malik, de Nafi, le serviteur de Abdullah ibn Omar, de Abdullah ibn Omar, du prophète, alayhi salam. Ça, ce sont les chaînes qui nous lient avec la parole d'Allah, avec l'authentique de la sunna du prophète, alayhi salam. Et on a aussi cette chaîne, le Misdad. Le Misdad nous a rapporté. Misdad ibn Sarh, de Yahya ibn Sa'id, de Shu'ba, de Ibrahim, de Iqima, de Ibn Mas'ud, de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est nos chaînes de transmission. Et eux, ils refusent. Ils refusent. Ils disent directement, nous, on prend d'Allah directement. Et ils disent, mon cœur m'a parlé de mon Seigneur. Mais en réalité, mon cœur m'a parlé de mon shaitan. Mon shaitan, insufflé dans mon cœur, comme tu veux. وقال قائلهم إذا بارزوني بعلم الورق بارزتهم بعلم الخرق يعني الكرامات الخواطر الشيطانية ولذا هم يسموننا بأننا أهل الأوراق فهم يقسمون المجتمع إلى قسمين القسم الأول أهل الرسوم والأوراق والقسم الثاني أهل الأذواق والحقيقة والباطن إيه l'un d'eux a dit une fois quand ils débattent avec moi ils sont devant moi avec la science du papier, c'est-à-dire la science qu'il y a dans les livres de la Sunna. Moi, je débat avec eux avec les miracles. Quels miracles? Les miracles shaitania. C'est pour ça qu'ils nous appellent les gens des feuilles, les gens du papier. Et ainsi, Huma, ils divisent la communauté, la société musulmane en deux. Hein? Les gens des livres et les gens des goûts et de la vérité et de la science intérieure. Regardez. Et de là, vous comprenez cette division qu'il y a, si jamais à Tiblir, le Khoudama, les anciens et les sympathisants et les novices. Et même dans les réunions ne sont pas identiques. Par exemple, prenez le cas du sud de la France. Il y a la réunion annuelle du Qudama de France. Bah, vont y être invités que ceux qui ont fait 4 mois dans leur vie. Et à travers la France, bah, quand ils font des réunions, bah, ce sera pour le commun et pour les sympathisants. Parce qu'ils n'utilisent pas le même langage d'une catégorie à une autre. فأخ الإسلام النقطة الخامسة أنهم يتواصون دائما وفي كل زمان ومكان أن يظهروا لأهل الشريعة ما يوافقهم من الأحكام الإسلامية وأن يكتموا عنهم ذلك السر حتى لا تباح دماؤهم. Le cinquième point qu'il faut connaître des soufis, c'est qu'ils se conseillent mutuellement et toujours en tout lieu et en tout temps qu'ils ne font apparaître aux gens de la législation que ce qui concorde avec les lois de la législation. Et ils cachent ce grand secret. Parce que s'ils le divulguent, bah, ils vont être tués par les soufis. S'ils divulguent le secret qui est Aqidat Wahdat al-Wujud. S'ils divulguent le secret d'un soufia, ils vont être tués par les leurs. Sadisan, la yu'arafu hada sir illa bid-dawq. أن يذوقه الإنسان بنفسه وضربوا لذلك مثلا باللذة الجنسية لا يعرفها إلا من ذاقها. Sixième point, ce secret, ne le connaît qui? Que ceux qui l'ont goûté parmi les humains. Ils ne peuvent pas l'apprendre, il faut le goûter. Ils ont donné un exemple avec ça, ils ont dit le goût et le plaisir de la sexuelle ne le connaît que celui qui en a goûté. Sabi'an, c'est-à-dire il faut que tu tombes dans la mécréance, dans la croyance de croire qu'Allah c'est toi et toi c'est Allah, pour que tu connaisses ce secret. A'oudhu billah. C'est une da'wa vers quoi? Vers la mécréance. Fi al-'ada yarmizuna ila al-dhat al-ilahiyya bi asma' mu'annatha mithl Layla wa Bathina wa ghayriha. Qatalahum Allah anna yu'fakun. Septièmement, il faut savoir que quand ils disent Allah Azza wa Jal, ils les désignent avec des expressions féminines, comme Layla, Bathina et d'autres termes. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'utilise pour ce blasphème. Et tout ça est cité dans un livre. Ceux qui maîtrisent la langue arabe, procurez-vous ce livre pour que vous arrêtez. Hein? Le livre il s'appelle Al-Kashfu an Sufiya li awwal marratin fi at-tarikh. Tout ceci, tu le retrouves, et encore plus d'autres choses, dans un livre qui s'appelle Dévoiler le soufisme, le dévoilement du soufisme pour la première fois dans l'histoire. Et il est en langue arabe. Ceux qui ont la langue arabe. Cheikh al-Najmi, hafidhahullah ta'ala, laqad mala'a kitab al-kashfi. عن الصوفية لأول مرة مؤلفه بمئات النصوص الصوفية التي تفيد أن أصحابها يؤمنون بوحدة الوجود وخصص لها بابا أو فصلا في صفحة 105 قال فيه الفصل الثالث وحدة الوجود عقيدة كل الصوفية وساق فيه نصوصا كثيرة جدا في 157 صفحة ولولا أني أخشى عليك الملل والسآمة لأوردت كثيرا منها لا حبا في تلك النصوص ولا رغبة في سماعي أو كتابة ما فيها من الكفر والزندقة ولكن رغبة في إقناع أقوام لا يصدقون في فلان وفلان أن صوفيتهم صوفية مذمومة وكأنهم قد تيقنوا أن الصوفية منها ما هو مذموم ومنها ما هو غير مذموم. Et Cheikh Najmi, rahimahullah ta'ala, nous dit que le livre d'Yel Kashf, Anis Sofia et Awali Marra, son écrivain, l'a rempli avec beaucoup de textes, avec des centaines de textes qui te prouvent comme quoi les Sofis croient en l'unicité de l'existence. Et il a réservé un chapitre complet sur 157 pages. Et c'est le troisième chapitre dans ce livre, dont le titre est « L'unité de l'existence, c'est la aqida de tous les soufis ». Et il a cité des centaines de textes sur 157 pages. Et Cheikh Nejmi de dire, si j'avais pas peur que ce soit trop long, que tu sois lassé, je t'aurais cité beaucoup de ces textes, pas par amour de ces textes, et pas parce que j'ai envie de te les faire entendre, de les écouter, ou là pour les écrire, parce qu'il y a beaucoup de mécréances, parce qu'il y a beaucoup de mécréances dedans, beaucoup de zindaka dedans, mais tout simplement pour convaincre certaines personnes qui croient que telle personne, leur sophia, il est louable. Et qu'ils, comme quoi la sophia, il n'y a pas de sophia louable en réalité. Il n'y a pas de sophia louable en réalité, que tous les sophias sont semblables. Walna'lam, ikhwat al-islam, anna as-sophia kullaha madmouma. Yanna man lam yu'min bi wahdati al-wujud minhum qad istamra'aha min ghayrih. فسكت عنها ولم ينكرها ولم ينكر على أصحابها وربما عظمهم وتعظيمه إياهم على ما عندهم من الكفر جريمة كبرى. ومن جهة أخرى فإن من دخل في الصوفية أقل أحواله أن يستمرئ الشرك الأكبر فلا ينكره بل يراه حسنا أو مباحا فإنا لله وإنا إليه راجعون. ماذا جرت الصوفية على الإسلام من بلاء وماذا خربت فيه من تخريب. Il faut savoir aussi, dit Cheikh Najmi Hafidhahullah Ta'ala, que tout le sophisme il est blâmable. Car celui qui ne croit pas en l'unicité de l'existence, au moins quand il voit, il se tait quand il entend parler de l'unicité de l'existence. Il ne le blâme pas. Il ne blâme pas ceux qui sont dedans. Et peut-être il va les vénérer. Il va vénérer l'associationnisme et la mécréance qu'ils ont. Et ceci est un grand crime. Et d'autre part, celui qui rentre dans le sophisme, le moindre dans sa situation, c'est qu'il ne blâme pas l'associationnisme. Il trouve que c'est normal, que ce n'est pas un mal. Et des fois même, il va trouver que c'est bon et qu'il est autorisé. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Tandis que le sophisme, quel dégât il a amené dans l'islam? Comment le sophisme a détruit l'islam de l'intérieur? يعني أن الصوفي إذا ما كان يؤمن بعقيدة وحدة الوجود فإنه لا بد أن يعظم أهلها. فانظروا إلى عبد السلام ياسين وتعظيمه لابن فارض وابن سبعين وابن عربي وكيف يمجدهم ويدعو لهم في رابطته. Donc, le Sophie, quand il ne croit pas en l'unicité de l'existence, il est obligatoire qu'il vénère les gens de cette aqida. Regardez Abd Salam Yassine. Comment il vénère et comment il respecte Ibn Farid, Ibn Sub'in, Ibn Arabi, tous ces gens-là baignent dans la boue de l'unicité de l'existence. وأن ينظر إليهم بنظرة الإعجاب ويأخذهم قدوة كما يفعل الصوفية المتأخرون مع ابن عربي مثلا. وابن عربي كفره واضح جدا، عقيدة وحدة الوجود ظاهرة في كتبه، ظاهرة في كتبه، واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار. ومع ذلك الصوفي المتأخرون يعظمون هذا الرجل تعظيما كبيرا ويسمونه بالشيخ الأكبر قدس الله روحه، يقولون أعوذ بالله من الخذلان. Donc, et celui, donc les soufis, même celui qui ne croit pas en l'unité de l'existence, il va vénérer ces gens. Il va être en extase devant ces grands. Ça va être ces exemples, comme le font les derniers parmi Sophie avec Ibn Arabi, Ibn Sub'in et autres. Alors qu'Ibn Arabi, sa mécréance, il est clair. Hein? Ibn Arabi, hada, hein? Avec Ibn Arabi, Ibn Arabi, hada, qui est dans l'unicité de l'existence, dont on a parlé depuis quelques jours maintenant. Hein? Comment les derniers Sophie le vénèrent? Comment ils le prennent en considération? Comment ils lisent ses lèvres, ses livres? Comment ils le propagent entre eux? Hein? Et ils l'appellent le grand shir. Et ils disent qu'Allah subhanahu wa ta'ala honore son âme. Ainsi à l'islam. Et avec l'assaf al-shadid, حتى بعض المشايخ أصحاب بعض التفاسير يسمون يتنون على ابن عربي كالقاسم والآسلي والآلوسي كما يقول بعض أهل العلم، وهذه مشكلة. والصوفي إن لم تكن عنده عقيدة وحدة الوجود فإنه لا يسلم من تعظيم أهلها وتقديسهم والانبهار بهم، وهذه مصيبة أن يعظم هؤلاء الزنادقة. Avec grand regret, dit Cheikh Abou Malik, certains mashayikh qui ont des interprétations du Coran font des éloges à Ibn Arabi, hada, comme le Qasimi, l'Alusi. Il dit ça, c'est un énorme problème, car le Sufi, quand il ne croit même pas en l'unicité de l'existence, il n'est pas épargné de vénérer les gens et de prendre en considération les gens qui ont cette aqida et d'être en extase devant eux. Et ça, c'est une grande catastrophe. وإذا لم يكن عند الصوفي هذا الانبهار وهذا التعظيم فإنه لا يسلم كما قال الشيخ من برود قلبه تجاه الشرك، فلا ينكره ولا يأمر بالمعروف، فهو لا ينكر البدع ولا ينكر الشرك، بل ربما رآه حسنا. فهذه دونك اي لو صوفي سي il ne vénère pas ses grands, son cœur va être froid devant l'associationnisme qui va s'accomplir devant lui. Il ne va pas le blâmer. Il ne va pas ordonner le bien. Hein? Il ne va pas non plus blâmer les innovations. Il ne va pas blâmer l'associationnisme. Peut-être même il va voir que c'est bon, comme l'a dit Cheikh Najmi Hafidhahullah Ta'ala. Rahimahullah Ta'ala. C'est un des grands tibliris qui s'est repenti, un des grands tibliris marocains qui s'est repenti une fois. Et il est arrivé devant un sanctuaire d'un homme pieux, d'un saleh, dans la montagne d'Al-Husayma. Il est connu, les gens de la région l'appellent Sidi Mbark. Il a pris la troupe qui était autour de lui, parmi ses disciples, parmi ceux qui sont sortis avec lui dans cette région. Il leur a dit, regardez cet homme. Hein? Comment il a été connu? Alors que devant eux, il y a des gens qui viennent ramener des offrandes. Au lieu de blâmer, au lieu de dire à ceux qui sont, s'il ne le dit même pas à ceux qui viennent, au moins il le dit à ceux qui sont sortis avec lui. Regardez ce que font les gens, le fait de ramener des bougies, le fait d'égorger pour cette tombe, il ne faut pas. Ainsi, même les soufis, quand ils ne vénèrent pas Ibn Arabi ou autres, ils ne croient pas en l'unicité de l'existence, mais au moins ils ont cette froidure dans le cœur, ils ne blâment pas l'associationnisme. Quand ils le voient devant eux. Ils ne blâment pas non plus les innovations. Regardez, combien d'innovations on voit tablérer dans ces mosquées. Ils les changent, loin de là. Et c'est ce qui est connu. Et c'est la réalité des soufis, même le commun des soufis. Al-awam minhum. Yahdurouna al-mawalid wal-mawasim wa la yunkirouna munkaran. Wa la yamurouna bil-ma'rouf. Wa rubbama رأوا الطواف على القبور والذبح لها، وهذا كله لا يحرك فيهم شعرة، قلوبهم باردة ميتة تجاه هذا الأمر العظيم. لكما دي صوفي إلى سيستا أسكون أبل لفيت ديال المولود إي ومواسم كون في بوغ لي تومب إي بوغ صالحين إن نو بلان با لو مال إن نو دون با لو بيان إي دي فوا ميم إل تورونج بوغ إل إي سوسي إي دي فوا إل فوا الطواف دوفون أو إي Ils voient que des gens égorgent pour la tombe. Et ça ne fait rien dans leur cœur. Leur cœur sent froid. Ils trouvent pas, ils trouvent ça. Ça permet de réunir les gens. Et même certains tibliri disent, si tu peux faire, si il faut tourner autour de la tombe pour faire da'wa, fais-le. A'oudou billah, comment ça fait-le? Faman ladhi ja'alahum mukhadharina hakada. التصوف هو الذي جعلهم باردين لا يمكنون حتى الشرك الأكبر التصوف ولذا قال الشيخ في آخر هذه الفقرة ماذا جرت الصوفية على الإسلام من بلاء وماذا خربت فيه من تخريب حيث جعلت أبناءه في هذا المستوى من الفساد ما يمكنون حتى الشرك الأكبر إيه وقال كيسك يفك سجون لغزوني بلو بخزنت qu'il soit drogué ainsi, c'est le sophisme qui a fait d'eux ainsi, c'est le sophisme qui a refroidi leur cœur et qui ne blâme plus l'associationnisme ni les innovations. Le sophisme, comme il a dit Cheikh ici, Cheikh Najmi à la fin de ce passage, quel dégât a fait le sophisme dans l'islam? Et quel mal il a ramené, et comment le soufisme a détruit l'islam, comment il a fait des enfants de l'islam qui sont devenus à ce stade-là, ils ne blâment même plus l'associationnisme, le grand associationnisme. والآن يأتيك صوفي قبوري من هؤلاء المعاصرين يجتهد في إحياء البدع وتضبط عليهم كلمات شركية ومعروفة، ومع ذلك تجد صوفية في عالم يبجلون هؤلاء ويحترمونهم مهما ظهر منهم من المخازي كالجفري هذا وغيره. ما الذي جعلهم في هذا المستوى؟ التصوف الخبيث، عقيدة وحدة الوجود، تأليه للمادة لأنها تقول إن كل ما ترى هو الله، إذا جعلوا المادة من بحار وأشجار وصخور كلها هي الله. فهنا الله عز وجل maintenant tu vois sur certaines chaînes parmi les contemporains des têtes de qui appellent vers l'associationnisme et vers tawassul et vers le fait de demander au prophète عليه الصلاة والسلام et vers le fait de faire vivre les innovations. Et ils prononcent des paroles du domaine de l'associationnisme. Ils sont connus dans le monde et on les vénère. On leur donne la place à la tête des télés, à la tête de certains programmes. Regardez le Joufri, là, et d'autres comme le Joufri. Regardez l'associationnisme qui sort de sa bouche. Et malgré tout ça, bah les Sophies vénèrent cet homme. Et même le Kouma vénère cet homme. Il faut savoir aussi que le dogme de l'unicité de l'existence a fait qu'il a rendu divin la matière. Car les Sophis, dans leur aqidat wahdat al-wujud, voient que toute chose c'est Allah. Donc ils ont fait que la matière, que ce soit les oscillons, les pierres, les arbres, et tout ça, c'est Allah. C'est Allah, subhanahu wa ta'ala, salama wa al-afiyah. Nous allons arrêter là, inshallah. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصل اللهم وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بارك الله فيكم واحسن الله اليكم وجزاكم الله خيرا دوموند اوف فرير محمد جي اوبليي دو فير ديماري او داسيتي بور لورانجيسترومون سي كيلكان ا بي فير لورانجيسترومون سا مارانج بور نو با بارك الله فيكم tu as fait بارك الله فيك tu regardes tu vois si tu peux l'envoyer au frère de dhikr Allah بارك الله فيك بارك الله فيك جزاك الله خيرا بقى ان شاء الله نعم اغنو جو رابيل لو بروغرام كومون فا ايتر بون لا بور المولد العز بالزلال جو في لو ريبروند كو لاندي ان شاء الله جو في ايسيي دو فير لاندي ماردي اي ميركودي جودي سور المولد العز بالزلال بور سيت سيمين بور المولد العز بالزلال جاريت لا باسكو جو دو بارتير روندر فيزيت ا دو لا فامي اون اور ان شاء الله اي فوندردي سوار Vendredi après l'Asr, en direct de la mosquée de Fréjus, c'est-à-dire à la Gabelle. Donc le salon sera appelé Salon Hassan Abou Asma en direct de Fréjus. Il y aura en cours la première partie de la conférence d'une explication de l'Atar d'El Bnu Sirin. Regardez, chez qui vous prenez cette science. Cette science est une religion elle-même et l'interprétation sera du Cheikh Ahmed Bazmoul Hafidahullah Ta'ala, qui est le frère cadet de Cheikh Mohamed Omar Bazmoul Hafidahullah Jamian. Et ce cours, quand je l'ai lu, on en a besoin. On en a besoin pour qu'on soit doublement averti d'où on va puiser, qui on entend, qui on suit et de qui on doit prendre. Et donc la deuxième partie sera aussi le samedi après Salat d'Or directement du complexe de la mosquée de la Gabelle, Inch'Allah. Quant au samedi soir et au dimanche, on verra si les frères de Carpentras, ils ont internet, bah, tout ce qui sera fait là-bas à Carpentras avec le frère Abbas et le frère Ammar, bah, on le diffusera directement. Barakallahu fikoum. وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا نسأل الله سبحانه وتعالى وفقنا وإياكم على التبات على هذا المنهج وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص والمتابعة